Allô? Allô, Mitanga, c'est Sekou. Hey, Sekou, non? Ah, ça fait longtemps, hein. Frère, comment? Ouais, là, j'ai eu Vasque pas là et on a rendez-vous à Châtelet. Non. Ouais, donc ça serait bien que tu puisses venir. Ok, ouais. Mais elle coule pas, mes yeux se brouillent de larmes, mais elle coule pas. Quelqu'un, je sais même plus qui est-ce, m'a dit les liens du sang, c'est sacré. J'acquiesce, en secret, ça craint. Être trop têtu, c'est tentant, mais tonton me blâme, ça crée des problèmes. Il en est même une sale ambiance avec mes refrains. Je demande pas l'aumône, tu sais déjà que c'est douleur pionce dans mon âme. Jamais je le referai, depuis des années je zone. On dit que souvent que j'affiche mes aînés, fichtre, j'en ai fait les frais. J'ai même plus l'accent, j'ai rendez-vous avec mes refrains. Je l'avoue que ça m'effraie, c'est vexant, laisser ses racines. Maintenant je le ressens, c'est déjà un signe du destin. J'arrive à d'enfer, esquive un contrôle, je suis clandestin. Ouf, à chaque fois je souffle, quelqu'un siffle, on me fait signe. Eh, hey, Vasque, on dit quoi? Alors, putain, ça fait longtemps, non. C'est toi, c'est cool, comment? Ça me fait trop tu es là aussi? Ouais. On dit quoi? J'arrive de Floride, Alcatraz, en D4, une chaleur torride, incarcéré entre quatre murs, un cas sordide, un huissier lacéré à coups de schlasse, sans preuve solide, un quart de CRS m'a serré, je suis devenu détenu, rempli de regrets, mais j'ai tenu, big up à degré, après mon année de fac, perdu ma bourse saute, plus rien à clap, vlac, j'encaisse les claps, le DF, coupe le juge, j'ose juste le dire, j'suis SDF, ça t'épate, mat mon pas de def, y'a pas de honte, car dans ce qu'apprécie, tu sais les crises, quand ceux que t'apprécies tombent dans le business, seul depuis devant les ennuis, aujourd'hui nous trois unis, c'est comme au pays, c'est certain, frère de sang ensemble pour forger le destin, quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un, c'est certain, frère de sang ensemble pour forger le destin, quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un, c'est certain, frère de sang ensemble pour forger le destin, quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un, c'est certain, frère de sang ensemble pour forger le destin. Quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un. Hasta la muerte, mes deux frères, c'est toute ma fierté. Tu as obéi aux lois des billets pour pallier au manque du pays. Ta réussite, mes chers, m'écoute cher. Tu as oublié le goût des mangues, l'huile rouge et le poisson grillé. Un confort cher payé malgré le Range Rover. Mais le soir, triste rêveur, pensez à vous, à penser mes cicatrices. Vu l'âge que j'ai, je suis votre grand. Au village, les grains ne poussent pas qu'avec les larmes du chagrin. Sans regret, le visage serein, maintenant vous saurez. Son visa, une valise et avisé sur place. C'est se leurrer. En effet, on n'est pas là pour la tour Eiffel. Je veux m'en sortir, gravir l'échelle. J'ai pas assez d'efforts pour réussir. Et tu rêves des Seychelles. Hey, get la go. Laquelle? Oh, les Seychelles. Reste sérieux. Un temps pour encaisser, un temps pour faire encaisser. Il faut un portable, pleine biche et être un boss. Suffit d'une vie confortable, une femme, faire naître un gosse. Ce sont les speech. Pour tout ça, faut qu'on bosse. En ce moment, je fais partie d'un trou où on se creuse la tête pour créer un buzz. Formons un groupe et on complète le buzz. Je suis intéressé. Les gars du 13. Ouais, du 13. C'est certain, frère de sang ensemble pour forger le destin. Quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un. C'est certain, frère de sang ensemble pour forger le destin. Quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un. C'est certain, frère de sang ensemble pour forger le destin. Quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un. C'est certain, frère de sang ensemble pour forger le destin. Quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un. C'est certain, frère de sang ensemble pour forger le destin. Quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un. C'est certain. De sang ensemble pour forger le destin. Quoi qu'il puisse passer, on ne forme qu'un. Trois frères, G, Awax, G-Wild, Vasque Pa, Represent Mouvance, Mafia 13. Moi c'est Cook aussi, je prête allégeance à la mafia tressée, pour le meilleur et pour le pire, à la vie, à la mort.